franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. 1 mystère d'1/4 siècle, une énigme régulièrement relancée par des révélations le plus souvent douteuses. Mais surtout, une affaire qui demeure comme une épine plantée dans la chair d'un pays trop longtemps réputé vertueux, la Suède. Tel est en effet le sentiment des citoyens suédois qui ne comprennent toujours pas pourquoi leur premier ministre, Olof Palme, a été assassiné un soir de février 1986. Des citoyens qui n'hésitent pas non plus à mettre en cause l'efficacité de leur police et même à soupçonner que l'élimination de cet éminent homme politique qui avait acquis une stature internationale dissimulait la part d'ombre du royaume et des secrets qui remontaient peut-être à la Seconde Guerre mondiale. Monsieur X, qui a déjà évoqué cette affaire il y a une dizaine d'années, ouvre donc à nouveau ce dossier. Et en l'écoutant, j'ai eu l'impression de plonger dans l'atmosphère des romans de Henning Mankell ou dans celle, encore plus trouble, de l'œuvre de Stieg Larsson, l'auteur de Millennium. Autant de livres de fiction qui, à leur manière, ont brossé un portrait décapant de leur pays et dévoilé la face sombre d'une Suède dont on pensait pourtant qu'elle était un modèle de nation démocratique. Undrar hur glad du är. Klockan på för sent. Du väntar på det sista man gör här. Undrar hur glad du är. Undrar hur lätt du lever. Just a smile. Je voudrais commencer par évoquer un fait divers qui a fait cet été les gros titres de la presse britannique. Le 10 juillet dernier, donc, la police d'Outre-Manche a arrêté un certain Hans Rosing, dont la conduite semblait pour le moins étrange. C'est-à-dire ? Il semblait complètement désemparé et montrait des signes de dérangement mental. Mais surtout, ce Rosing était bien connu des services de police. Un délinquant ? Oui, un délinquant milliardaire, un des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Et si la police le connaissait bien, c'est qu'il avait à plusieurs reprises été interpellé pour consommation et possession de drogue. Toutefois, jusque-là, sa fortune et son rang social lui avaient épargné la prison. Oui, l'argent, ça aide. Hein. Et pardonnez-moi, mais quel rapport là, avec l'assassinat d'Olof Palme ? J'y viens. Hein. Une précision d'abord. Rosing est d'origine suédoise. C'est l'héritier d'une grande famille d'industriels qui, au début des années 80, a choisi l'exil en Grande-Bretagne pour échapper au système fiscal suédois. Décidément, on en parle beaucoup en ce moment. Hein. En effet, mais enfin, je poursuis. Hans Rosing est donc arrêté et les policiers britanniques se rendent à son domicile dans un quartier huppé de la capitale. Et là, ils font une macabre découverte. Eva, son épouse, gît au pied de son lit sous un monceau de vêtements. Et visiblement, elle est morte depuis plusieurs semaines. Il l'a tuée ? C'est d'abord ce que pensent les policiers. Mais en réalité, l'autopsie démontrera qu'elle a sans doute été victime d'une overdose. D'ailleurs, de la drogue, il y en a partout dans la maison. Rosing est donc innocenté, mais il sera quand même condamné pour ne pas avoir fait inhumer sa femme. Mais enfin, là n'est pas le plus important. Quelque temps avant sa mort, Eva Rosing, elle aussi riche héritière, était entrée en contact avec un écrivain qui s'intéressait à la mort de Palme. Et lui avait confié qu'elle connaissait l'identité du commanditaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Qui ? D'après elle, il s'agissait d'un important homme d'affaires suédois dont les activités étaient menacées par Olof Palme. Mais attendez, pourquoi faire cette confidence à un écrivain et pas à la justice suédoise ? Eh bien justement, Eva Rosing avait aussi contacté les enquêteurs qui, depuis un quart de siècle, essaient d'élucider le mystère de la mort de Palme. Et ce que ces policiers ont confirmé. Mais a-t-elle livré un nom ? Je ne sais pas, mais je peux simplement affirmer que Scotland Yard a confié l'ordinateur d'Eva Rosing à la police suédoise. Autre élément troublant, cette richissime héritière a aussi confié à cet écrivain suédois, un certain Gunnar Wall, que si elle venait à mourir soudainement, il lui faudra enquêter. Mais elle se sentait menacée. Ça m'apparaît assez évident. Oui, mais elle n'a pas été assassinée. Apparemment, non. Mais une overdose peut assez facilement dissimuler une tentative d'assassinat. Alors, à votre avis, là, y a-t-il là une piste sérieuse ? En tout cas, je crois qu'il ne faut pas la négliger, car elle en rejoint d'autres. Il est sûr qu'Olof Palme a inquiété un certain nombre d'industriels ou hommes d'affaires. D'importants personnages qui étaient, par exemple, impliqués dans des trafics d'armes. Il existe en Suède une puissante industrie de l'armement. Oui, mais j'y reviendrai. En attendant, je vous propose de revenir aux faits et aux circonstances dans lesquelles Olof Palme a été assassiné. C'était donc le 26 février 1986, une journée de travail tout à fait ordinaire pour le Premier ministre suédois. Tôt le matin, il a fait du sport. Puis en milieu de matinée, il demande à ses deux gardes du corps de le conduire dans un magasin de vêtements. Et les deux hommes ne sont pas très contents. Et pourquoi là ? Parce qu'ils apprennent à cette occasion que la veille, Olof Palme est allé acheter un costume et ils n'ont pas été mis au courant. Oui, mais bon... Poursuivez, là. Ça signifie que le Premier ministre est sorti tout seul. Ah oui, donc sans ses gardes du corps. Et ce n'est pas la première fois. Olof Palme supporte mal la présence continuelle de ces hommes qui assurent sa sécurité personnelle. Lui, il adore flâner dans les rues et il entend vivre comme tout le monde. Oui, normal, quoi. Mmh. Parenthèse, avait-on des raisons de croire à des menaces sur sa vie ? Certainement. Mmh. D'abord, il faut savoir que Palme était haï par les milieux de droite. Les milieux d'affaires, bien sûr. Il avait pris des positions très violentes contre certains régimes militaires, en Amérique du Sud en particulier. Ouais, Pinochet. Pinochet, bien entendu. Et cela ne pouvait pas lui valoir d'amitié à l'extrême droite. Mais plus généralement, les positions souvent tranchantes de Palme en matière de politique internationale lui attiraient de nombreuses inimitiés. C'était par exemple un adversaire déterminé de l'apartheid pratiqué en Afrique du Sud et aussi un partisan résolu de la création d'un État palestinien. En outre, malgré la sympathie qu'il éprouvait pour les États-Unis, il n'hésitait jamais à critiquer la politique de la Maison-Blanche. Donc beaucoup d'adversaires ou d'ennemis, mais pour autant existait-il des menaces avérées ? On l'a dit, Sa femme aurait même eu l'impression que leur immeuble faisait depuis quelques jours l'objet d'une surveillance. Mais Palmeux n'en a pas tenu compte et n'a rien voulu changer à ses habitudes. Bon, alors poursuivons-la. Escorté, ce jour-là, là, il se rend donc dans ce magasin de vêtements. Oui, le costume qu'il a acheté la veille ne lui plaît pas. Et il va le rendre. Puis il retourne à son bureau et il travaille jusqu'en fin d'après-midi. Et les gardes du corps, hein ? Il les a libérés. N'a plus besoin d'eux jusqu'au lendemain. Et dès qu'il a fini son travail, il rentre chez lui à pied. Donc sans protection. Oui, oui. Son appartement situé dans la vieille ville se trouve à 1 kilomètre de ses bureaux. Et Palmeux aime bien faire ce trajet à pied, seul, bien entendu. Et ensuite ? Quand il regagne son domicile, il reçoit un coup de fil de son fils. Celui-ci lui propose d'aller au cinéma. Et c'est ainsi que vers 20h30, Olof Palmeux et sa femme, Lisbeth, quittent leur appartement. Tranquillement, comme n'importe quel citoyen suédois. Ils prennent le métro et 3 stations plus tard, ils descendent et se dirigent vers le cinéma Grand, où l'on projette un film récent, Les Frères Mozart. Et là, ils retrouvent leur fils. Oui, oui, celui-ci est accompagné de son ami. Et ensemble, les deux couples font la queue devant le cinéma. Ils n'ont pas de place réservée. Non, pas du tout. Nous sommes en Scandinavie, je vous le rappelle. Et là-bas, un homme politique, fût-il le Premier ministre, ne se permettrait pas de tirer avantage de sa fonction pour obtenir des passe-droits. Ouais. Certains pourraient en prendre de la graine, non ? Ah, je suis d'accord avec vous. Le film se termine vers 23h. Devant le cinéma, les deux couples se séparent, mais les Palmeux ne partent pas tout de suite. Olof vient de reconnaître parmi les spectateurs qui sortent de la salle le président du syndicat des fonctionnaires. Et les deux hommes bavardent un moment. Ouais. Une soirée parfaitement paisible. Donc, tout à fait. Et même si c'est anecdotique, je peux vous dire que le syndicaliste, après avoir pris congé de Palmeux, dit à son épouse « Mais quel pays fantastique, la Suède ! Tu imagines un Premier ministre qui peut aller au cinéma comme n'importe quel particulier ?» Et il ne pouvait pas savoir que, quelques minutes plus tard, hein, Palmeux aurait cessé de vivre. Justement, parce qu'il avait choisi de vivre comme tout le monde. Alors, que se passe-t-il tout de suite après là ? Malgré le temps frisqué, on est en février. Hein. Les Palmes décident de rentrer chez eux à pied. Et en chemin, sur l'avenue, ils s'arrêtent devant la devanture d'une boutique. Puis ils reprennent leur chemin. Mais soudain, alors qu'ils passent devant une droguerie, un homme caché à l'angle d'une rue bondit vers eux et c'est le drame. L'assassinat. Oui, le tueur agit comme un professionnel. Il arrive derrière le Premier ministre, l'agrippe et lui tire 2 balles dans le dos. La mort est instantanée. Pratiquement, oui. Ouais. L'homme a tiré presque à bout touchant avec une arme de gros calibre, un 357 Magnum. Ouais. Et l'assassin ? Il s'enfuit, se précipite vers un escalier qu'il escalade à toute allure et il disparaît. On ne le reverra pas. Ici, première interrogation. Malgré le fait que la police a été très vite prévenue par un passant, les barrages tardent à se mettre en place. Mais s'agit-il uniquement d'incompétence ou de négligence ? D'abord, à la décharge de la police, il faut remarquer que la Suède n'a pas connu d'assassinat politique depuis 2 siècles. Mais c'est vrai que dans cette affaire, les policiers vont accumuler les bourdes. Vraiment des bourdes ? Je vois ce que vous voulez dire. Ces négligences auraient pu être intentionnelles. C'est l'une des grandes questions de ce dossier. Alors voyons ça plus précisément. Mais un instant là, est-ce que la femme de Palmeux a pu voir l'assassin ? Brièvement, oui. Mais elle-même a été légèrement blessée par une des balles qui a traversé le corps de son mari. Pourtant, elle parviendra à faire un portrait relativement précis du meurtrier. Et vous le verrez, son témoignage sera écarté. La Suède est-elle un pays travaillé par ses démons ? Extrait d'un reportage effectué en 2010 par un journaliste du Guardian. Stockholm,

L'un d'eux porte à la main une petite sacoche bleue en plastique, tout à fait semblable à celle qu'utilisent les policiers pour y ranger leur arme de service. Mmh. Des témoins les remarquent ? Oui, d'abord le chauffeur de bus, puis un producteur de télévision qui se trouve à bord. Tous deux sont intrigués par ces hommes. Surtout que l'un des deux hésite à monter dans le bus, puis finalement renonce. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que 4 jours plus tard, ce producteur de télévision assiste à un procès. Or, qui voit-il dans la salle ? L'homme à la sacoche bleue. C'est-à-dire celui qui a renoncé à monter dans le bus ? Non, l'autre. Et il porte l'uniforme de la police. D'autres témoins retrouvés par les journalistes qui ont mené cette formidable enquête confirmeront que ce policier, prénommé Alfred, se trouvait bien cette nuit-là dans les parages de l'endroit où a été assassiné Palme. Quant au deuxième homme, il est aussi identifié. C'est un policier nommé Gunnar. Et il fait équipe avec Alfred. Notez bien que tous deux ne sont pas des policiers ordinaires. Que voulez-vous dire ? Eh bien, au cours de leur carrière, ils ont accumulé un nombre impressionnant de plaintes pour brutalités diverses. Mais étrangement, ils n'ont jamais été poursuivis ni a fortiori condamnés. Autre chose, tous deux appartiennent à un club de policiers amateurs de baseball. Un club sportif par ailleurs. Très politisés. Des amateurs de baseball politisés. Oui, ces gens-là professent des opinions de droite plutôt extrémistes. Ils ne se cachent pas de vouer une haine farouche aux dirigeants socialistes Olof Palme. J'ajoute qu'il n'est pas rare d'entendre dans leurs réunions des chants nazis. Ouais. Et on touche là l'un des aspects les plus obscurs de la société suédoise. Et qui est en relation directe avec le passé de la Suède. Même si le sujet demeure plus ou moins tabou. La Suède est restée officiellement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais tout le monde sait qu'elle a généreusement livré au Troisième Reich nombre de produits indispensables. De l'acier, hein. Ah oui, mais aussi des roulements à billes ou des équipements téléphoniques, par exemple. Autant de matériel qui ont permis aux nazis de continuer à faire tourner leur industrie de guerre. Forcément, cette connivence a laissé des traces. Oui, jusqu'à aujourd'hui, puisque des députés d'extrême droite ont fait récemment leur entrée au Parlement. C'est exact. En tout cas, pour revenir à l'affaire Palme et à ce que je vous disais sur ces policiers très particuliers, il y avait là de quoi intéresser la cellule d'enquête constituée après l'assassinat du Premier ministre. Mais il se trouve que Hans Holmer, le préfet de police qui dirige cette cellule, est justement l'homme qui a créé ce club de baseball très politisé. Oui, ce préfet n'a nulle envie d'incriminer ses amis, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Et assez habilement, Holmer, le directeur de l'enquête, finira par passer le bébé au service secret, la SAPO. Un service qui a été autrefois dirigé par ce même Holmer, dont les membres ne sont pas spécialement progressistes, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors résultat ? L'enquête sur les policiers Alfred et Gunnar est sabotée, caviardée. On fait pression sur les témoins, on refuse d'entendre les suspects, bref. On enterre l'affaire. Mais ça semble quand même énorme. Hein. Oui, surtout dans un pays démocratique comme la Suède. Mais c'est la vérité. Vous voulez d'autres preuves ? Le registre de la police où figurent tous les appels d'urgence a été trafiqué. Mais pour quelle raison alors ? Dissimuler le fait que l'alerte concernant l'assassinat a été volontairement retardée. Pour donner le temps aux tueurs de s'enfuir. Ça me semble clair. D'autre part, on a pu établir que plus de 30 policiers se trouvaient ce soir-là dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour du lieu de l'attentat. 30 hommes, dont une bonne moitié n'avait rien à y faire. C'est curieux, non ? Curieux aussi les débuts de l'enquête, tant on a l'impression que la hiérarchie policière veut orienter les investigations vers ce qui ressemble à une fausse piste. Mais attendez, avant que vous ne parliez de cette fausse piste, mais je vous avoue que j'ai du mal à croire à ce complot policier-là. D'accord, ces hommes haïssaient Olof Palme, mais quand même. D'une certaine façon, vous avez raison. Expliquez-moi alors. Ces gens-là n'ont pas agi de leur propre initiative. Ils ont en quelque sorte exécuté un contrat. Mais je vous propose de voir cela un peu plus tard. Bon, d'accord, il faut patienter. Alors cette fausse piste-là, laquelle ? Peu de temps après l'assassinat, le préfet de police de Stockholm fait une déclaration fracassante. Nous sommes sûrs à 95% de tenir le coupable. Ah bon, et de qui s'agit-il là ? D'un Kurde. Et pourquoi un Kurde irait-il assassiner le Premier ministre suédois ? Parce que, explique la police, Olof Palme a récemment refusé au PKK, le parti séparatiste des travailleurs du Kurdistan, d'ouvrir un bureau à Stockholm. Quel motif, là ? Le gouvernement suédois considère que le PKK est une organisation terroriste. Oui, mais ce refus peut-il justifier l'assassinat du Premier ministre ? Bon, bien sûr que non. Mais dans le même temps, après le meurtre de deux dissidents du PKK, les autorités suédoises ont entrepris de mettre à la raison ces milieux kurdes particulièrement remuants. Et c'est pour cela que les Kurdes auraient assassiné Palme. C'est en tout cas la piste longtemps privilégiée par la police. Une hypothèse qui aura la vie dure. Cependant, malgré les rafles et même des mises en détention provisoire, les policiers font chou blanc. Tandis que l'opinion suédoise parle non sans raison de chasse aux sorcières. Mais malgré ces errements, là, il y aura quand même l'arrestation d'un suspect plus convaincant. 2 ans après, oui, un homme qui sera même formellement identifié par la femme d'Olof Palme. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Témoignage de l'étrange climat qui a régné en Suède après la mort de Palme, cet extrait d'un article d'un journaliste suédois, Gabi Gleschmann, paru dans le principal quotidien danois. Les Suédois commencèrent à douter de la police lorsqu'ils apprirent que les hommes de Hans Holmer, le chef de la police de Stockholm, responsable de l'enquête, utilisaient des rapports relevant de l'amateurisme, qu'ils avaient durement agi contre les Kurdes mis en détention provisoire. 1 an après l'assassinat, un climat de conspiration et de malaise avait gagné la Suède. La nation avait accusé 2 chocs violents. L'assassinat lui-même, si irréel dans ce coin civilisé de la planète, et la prise de conscience progressive que le meurtre ne serait pas élucidé, mais que, bien au contraire, le mystère ne ferait que s'épaissir, et ce, au cœur de la capitale suédoise, qui avait toujours été si ouverte et si transparente. L'échec de la police alimenta un imaginaire fantastique, un mélange de littérature populaire et de médisance avec une bonne dose de paranoïa et d'agressivité. Chacun développa sa propre version des choses. Un climat irrationnel obscurcissait le débat public. Et comme il n'y avait aucune solution à l'énigme Palme, personne en Suède n'était coupable, mais personne non plus véritablement innocent. Et tant que les assassins de Palme seront en liberté, ces démons subsisteront. Le suspect interpellé par la police en 1988 s'appelle Christer Pettersson. À noter que c'est une nouvelle équipe qui est à l'origine de cette arrestation. Et pourquoi cet individu a-t-il été interpellé ? Il faut d'abord dire qu'il a été interrogé dès 1986, mais il a fourni un alibi et il a été relâché. Alors, Pourquoi lui, me demandez-vous? Eh bien, ce Peterson a un passé chargé. Alcoolique, drogué, en 1970, il a tué un homme à coups de baïonnette. Coïncidence troublante, ce meurtre a été commis dans les environs du lieu où Palme a été assassiné. C'est pourquoi il a figuré parmi les suspects. Son alibi, alors? Il est tombé en 1988 et des compagnons de Peterson ont affirmé que le soir où le Premier ministre a été assassiné, il se trouvait dans ce quartier. Enfin, et surtout, Lisbeth Palme l'a formellement reconnu sur une vidéo que lui ont présenté les policiers. Oui, ça commence à faire beaucoup, mais est-ce que ça suffit là, pour l'incriminer? Non, pas tout à fait, car il n'existe aucune preuve matérielle contre lui. Le point crucial, c'est l'arme, ce 357 Magnum qui ne sera jamais retrouvé. D'autre part, Peterson nie énergiquement. Et puis, pourquoi aurait-il tué Palme? Oui, pas de mobile, quoi. Oui, même si plus tard, on tentera une explication un peu fumeuse. En prison, Peterson aurait rencontré un homme désireux de se venger de Love Palme. Mais qui, là? Un petit patron ruiné par le fisc et qui a perpétré un attentat à la bombe. Ouais. Et cet homme, alors, aurait persuadé Peterson d'agir à sa place? Et autant vous dire que ça ne paraît guère crédible. Oui, mais il y a quand même son identification par la veuve de Palme. Hein. Certes. Et en 1989, se basant essentiellement sur ce seul témoignage, les juges suédois condamnent Peterson à la prison à vie. Mais il fait appel. Et au cours de ce deuxième procès, 6 mois plus tard, on assiste à un véritable retournement de situation. Le témoignage de Lisbeth Palme est écarté. Mais pour quelle raison? La défense fait valoir qu'avant qu'elle identifie Peterson, la presse a publié une description très précise de l'inculpé. Ouais. Ce qui aurait pu influencer la veuve du Premier ministre. Exactement. Mmh. Et logiquement, Peterson bénéficie d'un non-lieu. Mmh. Son innocence est donc reconnue. Mais Lisbeth Palme n'en démordra jamais. Pour elle, Peterson est bien le meurtrier de son mari. Et d'ailleurs, en 2001, soit 15 ans après la mort du Premier ministre suédois, Peterson lui-même semblera lui donner raison. Comment? Il fait parvenir une lettre à un journal suédois dans lequel il déclare avoir tué Palme. Mais comment ajouter foi à ces aveux tardifs d'un homme déséquilibré et exhibitionniste? Une vantardise, quoi. Ça y ressemble. Un désir un peu fou de faire encore parler de lui. En tout cas, ces aveux n'ont aucune valeur juridique. Et Peterson mourra en 2004 avec ses secrets ou ses mensonges. Ouais. Et votre avis? Moi, je suis persuadé que Lisbeth Palme s'est trompée en toute bonne foi. Et voyez-vous, il y a un détail qui m'a toujours chiffonné. Peterson, à l'époque de l'assassinat de Palme, était affligé d'une claudication. Pour je ne sais quelle raison. Or, l'homme qui a tiré sur Palme s'est enfui à toute vitesse et a grimpé un escalier en courant comme un vrai sportif. Mais ce que n'était sûrement pas Peterson, boiteux, drogué et alcoolique. Hein. Ouais, cet épisode tardif a toutefois relancé une affaire qui ne cesse de hanter les Suédois depuis 1986. Comme l'acquittement de Peterson en 1989 avait aussi permis que soient échafaudées les hypothèses les plus variées. Tour à tour, le KGB, la CIA et les services secrets sud-africains ont été accusés, non sans parfois une certaine pertinence. Qu'y pensez-vous là? Aux Sud-Africains, justement. Quoi, à cause des violentes prises de position de Palme contre l'apartheid? Et de l'aide que le gouvernement suédois a portée à l'ANC, le Congrès national africain de Nelson Mandela. Ouais, mouvement alors illégal et clandestin. Hein. Oui, et c'est en Afrique du Sud même que cette piste est apparue. Mais sans doute après la fin du régime d'apartheid, hein? En 1996, oui. Un ex-policier, le colonel de Kock, qui comparaissait devant la justice de son pays pour avoir commis de nombreuses exactions, a déclaré que les services secrets sud-africains étaient impliqués dans l'assassinat du Premier ministre suédois. Mmh, une accusation sérieuse? Apparemment, oui, car de Kock a donné des précisions. Selon lui, l'opération, nom de code, longue portée, avait été dirigé par l'un de ses anciens collègues, un certain Greg Williamson, qui avait perpétré avec lui des attentats à l'étranger, comme la pose d'une bombe au siège de l'ANC à Londres. Et comment a-t-on réagi à Stockholm, alors? Les enquêteurs se sont montrés sceptiques, même s'ils n'ignoraient pas que les services de sécurité sud-africains avaient usé de méthodes semblables pour éliminer des adversaires à l'étranger. Oui, comme du 6 septembre à Paris. Hein. Oui, ces policiers suédois ont par ailleurs déclaré qu'ils avaient déjà étudié la piste sud-africaine en vain. Bref, ils n'avaient pas très envie d'y croire, non? Et vous, qu'en pensez-vous? Je crois qu'il ne faut rien exclure. J'ai été très frappé par un fait. Trois ou quatre jours avant l'assassinat de Palme, s'est tenue à Stockholm une conférence sur l'apartheid, où étaient conviés des dirigeants importants de l'ANC. Alors, ce sont ces hommes qui auraient dû être frappés plutôt que Palme. Oui, mais cette réunion a dû bénéficier d'une importante protection. Il était plus facile de s'attaquer à un Premier ministre, ami de ces militants anti-apartheid, qui se promenaient dans les rues de sa ville comme n'importe quel citoyen. Donc vous croyez à l'application sud-africaine ? Elle ne me paraît pas impossible, surtout au niveau du ou des hommes de main qui ont agi sur le terrain. Mais je voulais laisser entendre, je crois qu'Olof Palme a été victime d'une plus vaste conspiration. Où la police a joué son rôle, hein, ainsi que vous le disiez précédemment. Bon, certains éléments extrémistes de la police et des membres de la SAPO, les services secrets suédois. Mais les commanditaires se trouvaient ailleurs. Ouais, dans ces milieux d'affaires, comme l'affirmait Eva Rosing. Cette riche héritière, malgré son addiction à la drogue et le désordre de sa vie, mérite d'être prise au sérieux. Malgré elle, elle a peut-être bénéficié de confidences, à moins qu'elle n'ait surpris quelques conversations édifiantes dans le richissime milieu qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Ouais. Mais plus précisément à propos de quoi ? Comme je vous l'ai indiqué au début de cet entretien, je soupçonne que l'assassinat de Palme a quelque chose à voir avec le commerce des armes, en particulier pendant la terrible guerre Iran-Irak des années 80. Le principal industriel suédois de l'armement, Nobel Industrier, qui est né d'une fusion entre Bofors et Nobel Chemie, a été impliqué dans un grand trafic de missiles, de canons et d'explosifs à destination de l'Iran. Oui, un trafic illicite. Bien entendu, puisque l'Iran était soumis à un embargo international. Palme, qui a été désigné par l'ONU comme médiateur du conflit Iran-Irak, était bien placé pour avoir des lumières sur ses fournitures clandestines d'armement. Il faut d'ailleurs observer que c'est à son initiative que la Suède s'est dotée d'une législation interdisant toute exportation d'armes dans les pays en guerre ou se trouvant dans une zone de tension. Et vous pensez alors que pour éviter que leur turpitude ne soit découverte ou donne lieu à des actions judiciaires, ces marchands de canons auraient pu commanditer l'assassinat de Palme ? C'est une hypothèse qui me paraît hautement plausible, avec bien sûr la complicité de policiers dont ils étaient politiquement proches. Autre piste qui a été sérieusement évoquée, celle des réseaux anticommunistes Gladio de l'Alliance Atlantique. Palme prônait une zone dénucléarisée en Europe du Nord, un projet qui contrariait les plans états-uniens en pleine guerre froide. En 1996, cette thèse est étayée par le journal d'investigation d'un journaliste américain, Alan Frankovich, qui enquêtait depuis plusieurs années sur Gladio. Malheureusement, Frankovich est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il allait interviewer un ancien agent de la CIA qui avait promis de lui faire de nouvelles révélations. Un dernier mot, un documentaire récent explore un aspect inattendu de la Seconde Guerre mondiale, les relations personnel qu'ont entretenu les deux dictateurs alliés, Mussolini et Hitler. L'opéra des assassins, comme l'a intitulé son auteur Jean-Christophe Rosé. Admiration, méfiance, jalousie, l'aventure unique de deux paranoïaques, un documentaire dont on peut se procurer le DVD dans le commerce. À samedi prochain sur franceinter.fr. Comme d'habitude, vous pourrez réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Billou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.